revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Parfait. Et revient tard. Pars vite. Quatrième épisode. Grâce à ses recherches minutieuses, De Cambrai a découvert l'origine de plusieurs textes cités dans les annonces spéciales de Joss. Il est persuadé que le mystérieux messager prédit le retour de la peste. Tous deux sont allés en informer le commissaire Adamsberg, que De Cambrai avait rencontré lors de déboires judiciaires passés. De son côté, Adamsberg est entré en contact avec Marc van Dusseler, un médiéviste amateur qui lui a appris que le 4 inversé peint sur les portes d'immeubles était un signe de protection contre la terrible maladie. C'est toi ? Tu restes dans le noir ? C'est les plombs. Ils ont encore sauté. Faut vraiment que je la retape, cette baraque. Plus tard, Arnaud. Je me fous bien de ton fameux confort. Allez, assieds-toi. Tu sais à quel âge on m'a payé ma première paire de souliers ? À 4 ans. Jusqu'à 4 ans, j'ai marché pieds nus. Je sais, Mané. Mais la toiture fuit, ça pourrit le plancher du grenier. Je veux pas que tu passes à travers un jour. T'occupes. Tiens, mange plutôt, faut que tu prennes des forces. Avant, je pouvais te faire des petites galettes à la peau de lait. On peut plus trouver du lait qui fasse de la peau. C'est fini, ça. Tu peux le laisser 10 jours à l'air libre. Il moisira sur pied sans faire un gramme de peau. C'est plus du lait, c'est de la flotte. Je suis obligé de remplacer par de la crème. Je sais, Mané. Ils sont bons, quand même. Mais oui, Mané, je t'assure. T'en fais pas avec ces gâteaux. T'as raison. Trêve de conneries. Où t'en es ? C'est prêt. Combien de portes ? 253. Je les fais de plus en plus vite. Ils sont très beaux, tu sais. T'as tous les dons, Arnaud. Et ces dons, tu vas les reprendre. Je le jure sur l'évangile. Touche, mon petit Arnaud. Ils vont crever jusqu'au dernier. Tout seuls, comme des grands. Tous. T'as ta bague ? Arnaud, ta bague ? T'inquiète pas, je l'ai juste changée de main. Entrevoir ? Laisse-la à gauche, elle l'enlève jamais. D'accord, Mané. À gauche, Arnaud, sur l'annulaire. Oui. On a attendu des années, et maintenant on y est. Je remercie le Seigneur qui m'a fait vivre pour voir cette nuit. Et s'il l'a fait, Arnaud, c'est qu'il le voulait. Il voulait que je sois là pour que tu puisses accomplir. C'est vrai, Mané. Buvons, Arnaud. À ton salut. Trêve de conneries. Tout est bien prêt ? T'as le code, l'étage ? Ils sont combien là-dedans ? Il vit tout seul. Viens, je vais te donner le matériel. Faut pas trop que tu traînes. Je les ai affamés depuis 48 heures. Elles se jetteront sur lui comme la vérole sur le bas clergé. Allez, mets tes gants. Te casse pas la gueule, Mané. T'occupes ? Je fais ça 2 fois par jour. Du calme, les petits. Éclaire-moi, Arnaud. Oh, regarde celui-là qui agonise dans son coin. J'en aurai des 9, pas plus tard que demain. T'es sûr qu'elles sont infectées ? Chargées jusqu'à la garde. Tu mettrais pas en doute ma compétence, des fois, à l'instant du grand soir ? Mais bien sûr que non. Mais je préférais que tu m'en mettes 10 plutôt que 5. Hein ? Ce serait plus sûr. Oui, je t'en mettrais 15 si tu veux. Comme ça, tu pourras dormir sur tes 2 oreilles. Oh, celui-là est mort de peste avant-hier. On va lui ratisser ses puces et en voiture, Simone. Allez, éclaire-moi bien. Fais attention à toi si elle te pique. Je crois rien, je te dis. Je suis couverte d'huile de la tête aux pieds. Et voilà, 22 puces. Tu vois que t'as de la marge. J'y vais, Manet. Ouvre l'enveloppe, d'un coup, rapidement, et glisse-la sous la porte. Ouvre-la sans crainte. Tu es le maître. Merci, Manet. Allez, à toi de jouer. Le Seigneur t'est en sa garde. Et méfie-toi des flics. Bonjour, commissaire. Bonjour, brigadier... Brigadier Morel. Lamarre, commissaire. Brigadier Lamarre. Ah, un certain De Cambrai, Hervé, vient d'appeler pour vous. Il souhaiterait être joint à ce numéro. Bien. Vous êtes Gascon, Lamarre. Affirmatif, commissaire. Né à Pau. Vous venez de la gendarmerie. Affirmatif, commissaire. J'ai passé les concours pour être affecté à la capitale. Vous pouvez vous rasseoir. Et vous pouvez essayer de me regarder dans les yeux. Pardon ? C'est pour le travail. Faites un effort. Comme ça ? C'est bon, voilà. Ne bougez plus, hein. Restez sur les yeux. Hein. Ici, brigadier, vous êtes chez les flics. Hein. Le groupe homicide demande plus de discrétion, de naturel et d'humanité qu'aucun autre. Vous aurez à infiltrer, à planquer, à questionner, à serrer sans être vu, à donner confiance, à essuyer des larmes aussi. Hein. Alors, tel que vous êtes, on vous repère à 100 lieues, hein, aussi raide qu'un taureau dans son pré. Il va falloir vous laisser aller, et ça va pas se faire en un jour. Alors, premier exercice, hein, regardez les autres. Bien, commissaire. Dans les yeux, hein, pas sur le front. Oui, commissaire. Allô ? C'est vous, du Quédic ? Commissaire, j'ai préféré vous prévenir que... Notre homme vient de passer le cap. C'est-à-dire ? Le mieux est que je vous lise les spéciales de ce matin. Les spéciales ? Oui, il y en avait deux. Il accélère la cadence. Allez-y. La première est la suite du journal de cet Anglais. Pépis. Pépis, commissaire Samuel Pépis. Aujourd'hui, bien malgré moi, j'ai vu deux ou trois maisons avec une croix rouge sur la porte et l'inscription « Dieu ait pitié de nous ». Triste spectacle, le premier de cette sorte que je vois autant qu'il m'en souvienne. Ça ne s'arrange pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette croix rouge marquait les portes des maisons infectées pour que les passants s'en écartent. Pépis vient donc de croiser ses premiers pesteux. En fait, la maladie a couvé depuis bien longtemps dans les faubourgs de la ville, mais Pépis était à l'abri dans la cité des riches. Il n'en était pas encore informé. Et le second message ? C'est plus grave encore. Je vous le lis. Lentement. Le 17 août, de faux bruits précèdent le mal. Beaucoup tremblent. Un bon nombre espère cependant sur les motifs du fameux médecin qui est rinçant. Peines inutiles. Le 14 septembre, la peste est entrée dans la ville. Elle a d'abord frappé le quartier Rousseau, où des corps morts coup sur coup manifestent sa présence. Comme vous n'avez pas le texte sous les yeux, je vous signale que 17 août, 14 septembre et quartier Rousseau sont tapés dans un caractère différent. Le type est un maniaque. Il a certainement modifié les dates et le lieu véritable du texte et il souligne ses déformations en changeant la frappe, à mon avis. Et nous sommes le 14 septembre, c'est bien ça ? Exactement. Ce qui fait que ce fou nous annonce tout bonnement que la peste est entrée aujourd'hui dans Paris et qu'elle a tué. Bon... Je vais m'enseigner auprès de mes collègues. Je vous remercie pour votre zèle, du Quédic. Commissaire. Oui. Mieux vaut que vous sachiez qu'ici, personne ne connaît mon véritable nom. Sauf le crieur. Ici, je suis De Cambrai. Vous me comprenez ? De Cambrai. C'est ça. C'est noté. Merci, commissaire. Peste du Quédic, cheveux blancs égale de Cambrai. Je vais me chercher un sandwich. Vous gardez la maison, Lamar? Bien sûr, commissaire. Lamar? Oui, commissaire. Dans les yeux. Eh bien, Danglars, c'est à ce jour-ci que vous arrivez? C'est que... je suis resté un peu au bar, le Viking, hier soir, après la criée. Le patron a un calva exceptionnel. L'un des meilleurs que j'ai rencontré. Ah, je vois. J'ai raté quelque chose? Seulement la fin de l'affaire des quatre. J'ai de nouveau fait le tour des commissariats d'arrondissement. Rien à signaler. Pas un décès suspect dans les immeubles marqués. Seulement de nouvelles plaintes dans le 3e, le 16e et le 17e arrondissement. Toujours des quatre. Et toujours signé CLT. Vous aviez raison, Danglars. Je pense que le type a pris une tangente purement symbolique. Ça lui durera ce que ça durera. C'est sans doute mieux comme ça. Hein. Allô? J'allais sortir m'acheter quelque chose à grignoter. Vous voulez que je vous prenne un peu de bicarbonate de soude, histoire de vous aider à retrouver vos esprits? Merci, je crois que je vais plutôt prendre un café. Double. Voilà. Commissaire, c'est le commissariat du premier arrondissement, commissaire. On vient de trouver un cadavre. Passez-le-moi. Adamsberg, j'écoute. Commissaire De Villa, pareil. Dites-moi, on a trouvé un homme plutôt jeune dans un immeuble rue Jean-Jacques Rousseau. Et son corps aurait été recouvert d'une substance noire. On m'a dit de vous appeler. J'arrive. On file, Danglars. Rassemblez l'équipe d'urgence. Le fruit est tombé. Le corps est rue Jean-Jacques Rousseau. 10 portes de l'immeuble étaient fraîchement marquées d'un 4 inversé. Merde. C'est un homme d'une trentaine d'années. Un blanc. Pourquoi dites-vous un blanc? Parce que son corps est noir. Sa peau est noircie. Sa langue aussi. La peste? La mort noire? Oui. Mais je ne crois pas que cet homme soit mort de peste. Qu'est-ce qui vous rend si certain? Je ne sais pas. Trop démesuré. Il n'y a plus de peste en France depuis des lustres. On peut toujours l'inoculer. Encore faudrait-il se la procurer? C'est très possible. Les instituts de recherche sont bourrés de Yersinios. Un type habile et averti pourrait aller se servir. Yersinios, qu'est-ce que c'est que ça? C'est leur nom de famille. Nom, prénom. Yersinia pestis. Qualité, bacille pesteux. Profession, historial killer. Nombre de victimes, plusieurs dizaines de millions. Mobile, châtiment. Châtiment? Vous êtes sûr de cela? Pendant 1000 ans, personne n'a mis en doute que la peste avait été envoyée sur Terre par Dieu en personne, en punition de nos péchés. Bah voyons. Je ne plaisante pas. Elle est par excellence le fléau de Dieu. Imaginez un gars qui se trimballe avec ça dans la poche, mais ça peut être explosif. Et si ce n'est pas ça, Danglars? Si on veut seulement nous faire croire qu'un gars se trimballe avec le fléau de Dieu dans sa poche... C'est catastrophique. Pour peu que ça s'ébruite, ça va partir comme un feu de prairie. Gros risque de psychose collective en vue. Brigade criminelle, lieutenant Noël. Noël, prenez un homme avec vous. Quelqu'un de discret. Ou plutôt non, prenez cette femme, celle qui est brune, un peu retenue. Lieutenant Hélène Froissy, commissaire? C'est ça. Filez au carrefour Edgar Quinet de Lambre, dans le 14e. Vérifiez de loin qu'un certain De Cambrai est à son domicile, au coin de la rue de la Gaîté. Et restez sur place jusqu'à la criée du soir. La criée? Vous comprendrez quand vous verrez. Un type monte sur sa caisse vers les 6h. Restez là-bas jusqu'à ce qu'on vous relève et ouvrez les yeux sur tout ce que vous pourrez. Le public autour du crieur, surtout. Entendu. Commissaire De Villa. Adamsberg. Alors c'est vous qui prenez l'affaire? Oui. Je la suivais qu'elle n'était pas encore née. Parfait. J'ai déjà un casse de matériel informatique sur les bras et une trentaine de bagnoles éventrées dans mon secteur. J'ai plus que ma part pour la semaine, alors... Vous savez qui est le gars? Non, je ne sais rien, De Villard. C'est ici? Régis Lorion, célibataire, 32 ans, garagiste. Réglo, rien au fichier. C'est la concierge qui a trouvé le corps. Elle passait lui déposer le courrier. Pas de chance. Elle a une crise nerveuse. Son mari a dû l'emmener aux urgences. Écartez-vous. Laissez passer le commissaire d'Amsberg. Commissaire, je vous présente le docteur Simon, le médecin légiste. Enchanté, docteur. Bon. C'est du chiquet, hein? Bah, vous vous foutez de moi. Ce type est mort et bien mort depuis des heures. Étranglé d'après ce qu'on voit sur le cou, sous la couche noire. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ces plaques noires... Eh, justement. Du charbon. Ce type a été passé au charbon. Ça en a tout l'air. Où sont ses habits? Dans la chambre, proprement pliés. Les chaussures sont rangées sous la chaise. Pas de casse? Pas d'effraction? Non. Ou bien l'Orion a ouvert à l'assassin, ou bien le type a crocheté la serrure en douceur. Je crois plutôt qu'on s'oriente vers la deuxième solution. Si c'est ça, ça va vous faciliter les choses. Un spécialiste, hein? Probablement, oui. Ouvrir les serrures en artiste ne s'apprend pas à l'école. Le type a sans doute fait de la tôle, un séjour plutôt long qui laisse le temps de s'instruire. Auquel cas, il est fiché. S'il a laissé la moindre empreinte, vous le tenez en moins de deux. C'est le mieux que je vous souhaite, Adamsberg. Vous dites que la concierge lui montait son courrier? Ouais. Les boîtes aux lettres sont minuscules dans cet immeuble. Et ce matin, il y avait un colis qui ne passait pas. Et cette enveloppe, elle est arrivée ce matin aussi? Quelle enveloppe? Pas de timbre. Décacheté d'un coup net. S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez me prendre quelques photos de ça? Tout de suite. J'ai déjà vu cette enveloppe d'Anglard. C'est la même que celle où De Cambrai range ses spéciales. C'est quoi? Ses spéciales. Merci, ça ira. C'est bon? Elle est vide? Vide. Lieutenant... Voisinet, commissaire. Cette enveloppe doit partir avec le reste, au labo. Mention spéciale. Urgent. Bien, commissaire. Ce banc est confortable, j'espère. Bonsoir, commissaire. Commissaire, nous avons surveillé l'individu De Cambrai Hervé, comme vous nous l'aviez demandé. Il est sorti de chez lui à 14h53 pour aller s'acheter le journal Le Monde au kiosque. Puis, il est entré au bar-restaurant Le Viking, situé en face de chez lui. Il a commandé un café ainsi qu'un verre, vraisemblablement de vin blanc, qu'il a bu en lisant son journal. Il en est ressorti 16h12 et est aussitôt rentré chez lui. Bon. Et vous n'avez rien remarqué d'autre? Si, une dame est sortie de ce magasin avec une planche de surf orange fluo sous le bras. Oui, c'est une boutique de sport. Oui, mais elle était habillée en tailleur et portait des talons hauts. Vous avez repéré les personnes qui ont déposé une enveloppe dans l'urne? Quelle urne, commissaire? Là, accrochée au platane. Bon, si vous voyez quelqu'un s'en approcher, observez-le et concentrez-vous sur l'enveloppe, son format, sa couleur. Avec ce lampadaire et un peu de chance, elle sera peut-être visible. Mais... Ouais. Vous avez quelque chose à dire, lieutenant Noël? Quand est-ce qu'on va être relevé? Soyez encore un peu patient. Le spectacle devrait pas tarder à commencer. Eva, tu t'es avec tes jambes? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, du coup, De Cambrai. Je peux vous parler? Eh bien, monsieur De Cambrai, vous ne me présentez pas votre ami? Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Commissaire, je vous présente Lisbeth Glaston, chanteuse. Bonjour. Damas Viguier, du Roll Rider. Bonjour. Sa sœur Marie-Belle. Bonjour. Castillon, retraité forgeron. Retraité forgeron, mais magicien actif. Enchanté, commissaire. Et Eva, notre madone. Bonjour. Dites, commissaire, vous planquez ce soir? C'est votre déguisement de nuit? Non, c'est ma tenue de tous les jours. Eh ben, On peut dire que vous vous foulez pas. C'est décontracté la police maintenant. Ça, au moins, c'est un flic qui fait pas des pattes, hein. Qui voulez-vous que j'épate ? Les femmes. Faut pouvoir épater les femmes, quand même. Qu'est-ce que tu racontes, Damas ? Les femmes, elles en ont rien à balancer d'être épatées. Ah bon ? Et de quoi elles en ont à balancer, alors, Lisbeth ? De rien. Pas vrai, va. Ni de l'amour, ni de la tendresse, et à peine d'une cagette de haricots verts, alors tu vois. Mais c'est pas vrai, l'amour, personne s'en balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les haricots verts, je viens de te le dire. Mais tu dis n'importe quoi, Lisbeth, c'est pas parce que t'as de l'expérience qu'il faut que tu décourages les autres. Expérimente, mon biquet, je t'empêche pas, hein. Pardonnez-moi, mais il faut que je suive les conversations. Le lendemain, c'est moi qui conseille, vous comprenez. Je dois me tenir au courant. Il est amoureux, non ? Damas ? Oui, de la chanteuse. Touché. Deuxième crié du jour. Un. Qu'est-ce que vous me vouliez, commissaire ? Fonds matériel d'apiculteur avec deux essais. C'est arrivé de Cambrai. Deux. Un corps tout noir, rue Jean-Jacques Rousseau. On l'a découvert ce matin. Noir ? Étranglé, nu et passé au charbon. Je le savais. Trois. Âme sœur bienvenue. Si possible, attirante. Et sinon, tant pis. 4. Hélène, je t'attends toujours. Je te promets de ne plus jamais m'énerver. Signé Bernard. 5. Qu'est-ce qu'on est dans l'univers ? Mais qu'est-ce qu'on est au juste ? 6. Ce soir, en rentrant pour souper, j'apprends que la peste vient de faire son apparition dans la cité. Point de suspension. Au bureau, pour terminer mes lettres, préoccupé de mettre mes affaires et ma fortune en ordre, au cas où il plairait à Dieu de m'appeler à lui. Que sa volonté soit faite. La suite du journal de l'anglais. 7. Il nous largue. Iris, vous me désespérez. Mais je il me faut ces spéciales de Cambrai. Toutes celles qui sont en votre possession, avec leurs enveloppes, si vous les avez encore. Vous les aurez, mais pour les empreintes, vous vous doutez bien que c'est râpé. Les gardes les a manipulés tant et plus, et moi ensuite. Pas la peine que je vous donne les miennes, vous avez mes 10 doigts au fichier central. Il me faudra celle de Le Guerne. Au fichier aussi. Ah. Le Guerne a fait de la tôle il y a 14 ans. Une grosse bagarre au Guilvinec, pour ce que j'en sais. Vous voyez, on est arrangeant. On vous mâche le travail. Tout le monde a fait de la tôle sur cette place ou quoi ? Il y a des lieux comme ça où souffle l'esprit. Équipage perdu, sauf chien du bord. Prochaine criée demain, 8h30. Merci de votre attention. Pars vite. Pars vite. Et reviens tard. Et reviens tard. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. Quatrième épisode. Avec Marina Golovin. Jean-Quentin Châtelain. Claude Aufort. Serge Ranco. Julien Lucas. Rosine Favet. Philippe Duquesne. Rislaine Elcohen. Judith Chemla. Vincent Nemeth. Jean-Pierre Becker. Jean-Christophe Fraîche. Éric Caruso. Ève Rouvière. John Arnold. Franck Molinaro. Philippe Jourde. Pars vite, reviens. Bruitage. Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage. Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation. Benjamin Hu. Réalisation. Cédric Ossier.